tu veux si tu on baisse à l'épris. Tu veux aussi, t'as pas compris. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Glisse, ressort, je suis sur le rein et elle veut que je la rassure. Tellement de choses qu'on a perdu le sourire. Capitaine, la machine à billets. Je recompte, je suis dans l'escalier. Moi j'ai de l'argent tant que je suis pas calé. J'attends que Pico CX sort de tôle. Mes amis viennent tout droit d'Italie. Je te vois un chelou, check pas de l'épaule. Tu fais des trous dans les comptes, t'es puni. Sacoche, Yankee, mauvais quotidien. J'ai pas ton temps, je t'envoie les types. Sacoche, Yankee, mauvais quotidien. J'ai pas ton temps, je t'envoie les types. Double bang, double bang. Ah, je suis dans la sphère. Au bord du coup, flash pense sur moi, mais le temps passe. Oui. T'as faim de housse, donc directement tu récidives. Tu glisses, tu ressors, t'as faim de housse, tu récidives. On baisse, pas les prix, tu le sais, t'as pas compris. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Tu glisses, tu ressors, t'as faim de housse, tu récidives. On baisse, pas les prix, tu le sais, t'as pas compris. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Brr papa, c'est ça que t'entends si tu payes pas. Mes pieds sont bloqués dans le sas, mais c'est fort, j'en prends ma place. 40 degrés à l'ombre, tu rentres à l'eau bornée, j'affronte le naufrage. Je vois tout rôle dans le check, on fait nos jazz, de quoi tu te mêles. T'es pas dans le business, on fait nos comptes, de quoi tu te mêles. Je veille tard, je recompte mon fric, je rêve pas, je m'endors sous shit. Rabat, ce matin je cogite, du coup le soir faut que je fasse du profit. Viens voir partout savant, j'ai remplacé des savons, cuisine comme des savons, je mets les gants pour l'avant. On n'est pas trop bavard, surtout devant les décons. Avant la mission, j'oublie pas de caler ma conce. Je suis dans l'asphalte, au bord du gouffre, là je pense sur moi, mais le temps passe. Oui, tu glisses, tu ressors, t'as faim de housse, donc directement tu récidives. Tu glisses, tu ressors, t'as faim de housse, tu récidives. On baisse, pas les prix, tu le sais, t'as pas compris.